je m'appelle Guillaume Coindard, j'ai une double casquette pour me présenter un petit peu, enfin une casquette et demie en fait, une casquette et demie puisque je suis d'abord et avant tout médecin généraliste et j'ai également fait mon master 2 de sociologie à l'EHESS, mais voilà, je ne suis pas docteur en sociologie, donc une casquette et demie pour présenter ce travail, donc qui est un travail pluridisciplinaire. Ça va. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, on en a discuté que je préférais commencer, parce qu'en fait, la présentation que Myriam fera tout à l'heure est issue de la même recherche. Donc c'était, voilà, comme j'introduis un petit peu la méthode de notre enquête, c'était plus logique finalement que je commence. Donc je vais commencer par vous parler de cette recherche, qui s'appelle la recherche Corsac, qui est une recherche à la fois interuniversitaire avec l'Université Paris-Ouest La Défense et puis l'Université Paris-Sud, dans laquelle je suis chef de clinique, donc de médecine générale. Interdisciplinaire puisque c'était une équipe composée d'anthropologues, de sociologues et donc de médecins, avec un financement public comme vous avez pu le voir sur la première page par l'INCa et également un financement privé par la Fondation Roche. Donc le titre de cette étude, vous pouvez le voir, c'est la coordination des soins ambulatoires durant la phase thérapeutique initiale du cancer. Et c'est une étude qui avait comme objectif de donner la parole aux patients dans cette phase de soins qui est la phase initiale du traitement du cancer. C'est une étude qui se justifie, puisque le terme important dans le titre c'est ambulatoire, c'est une étude qui se justifie d'abord par la diminution du temps à l'hôpital. Alors ça a été évidemment très largement décrit, mais on assiste depuis une vingtaine d'années à la diminution progressive du temps hospitalier pour les patients atteints de cancer. Et donc, de fait, par un temps passé à domicile de plus en plus important. D'où la nécessité de savoir exactement comment le patient vivait l'expérience du cancer chez lui, à domicile, durant cette phase où il est quand même en soins importants, donc avec des temps hospitaliers qui vont rythmer sa vie. Alors, le temps hospitalier diminue, évidemment, pour des raisons de coût, pour des raisons de progrès médical, en particulier de diminution de tout ce qui est iatrogénie en termes d'effets secondaires des chimiothérapies. Et c'est également un désir évidemment des patients d'être le moins possible à l'hôpital. L'autre intérêt de cette étude est qu'on a finalement assez peu de connaissances sur ce qui se passe pour les patients dans cette phase où ils sont beaucoup chez eux. Et on l'a vu encore ce matin, la plupart des terrains d'études du cancer sont des terrains hospitaliers. Alors c'est évidemment juste que beaucoup de choses se passent à l'hôpital, pour ne pas dire l'essentiel, probablement. Mais il n'empêche que voilà, le patient se retrouve quand même très souvent chez lui, donc sans ce recours très simple comme il peut avoir à l'hôpital où il suffit d'appeler pour répondre à une question ou à un besoin. Il y a évidemment une volonté politique aussi d'intervenir dans la coordination des soins, et c'est pour ça que l'autre terme important, c'est cette coordination. Qu'est-ce que la coordination ? Ça ne sera pas tellement le sujet de cette présentation aujourd'hui, même si notre étude s'est interrogée sur ce terme de coordination. Mais on voit bien la volonté politique dans les différents plans cancer d'intervenir dans cette coordination des soins. Qui coordonne ? Pourquoi ? Pour qui ? Et évidemment, le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a une revendication professionnelle très importante de la part de différentes professions, de nouvelles professions, comme on a pu le voir ce matin, ou de professions plus anciennes, qui revendiquent cette part de la coordination. Ça c'était pour rappeler un petit peu les objectifs de notre recherche. En particulier, alors il y a d'autres objectifs en réalité, ça c'était vraiment ceux sur lesquels je m'étais focalisé d'un point de vue personnel, et ce qui m'intéressait évidemment c'était, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était ce rôle des généralistes dans cette coordination des soins tel que les patients peuvent le décrire. Donc pour répondre à cette question, on a décidé de réaliser une étude qui est évidemment exploratoire, sous la forme d'entretiens compréhensifs auprès de patients, et nous avons choisi de nous focaliser sur les quatre cancers les plus fréquents. C'est un choix qui probablement discutable, mais pour des soucis de simplicité, d'abord parce que c'est les quatre plus fréquents, alors les quatre plus fréquents représentent 65% des cancers, donc ils sont vraiment de très très loin les plus fréquents, puisque le cancer le moins fréquent de ces quatre là je crois est autour de 40 000 cas, nouveaux cas par an sur les 350 000, donc voilà, c'est on a à peu près tout stade confondu, évidemment. Nous avons interrogé des patients en stade métastatique d'emblée. Nous avons interrogé des patients à des stades tout à fait débutants également. Ce qui était commun à tous ces patients, c'est qu'ils étaient suivis d'abord en centre de lutte contre le cancer. Ça a été un choix méthodologique également. Et donc nous avons choisi deux centres de lutte, un en région PACA et un en Île-de-France. Et tous ces patients étaient suivis également en hôpital de jour, donc étaient traités en chimiothérapie. L'objectif, alors la justification en tout cas de ce choix, était que les chimiothérapies sont probablement les traitements du cancer qui donnent le plus d'effets secondaires et qui devaient nous amener le plus d'effets secondaires et donc le plus de nécessité de coordination des soins dans cette phase initiale. Et également dans un souci pour observer la continuité des soins et voir ce qui se passait dans le temps, nous avons essayé, je dis bien essayé, de nous entretenir avec les patients à deux reprises. Une première fois dans un temps assez proche après le diagnostic et une deuxième fois plusieurs mois après. La compréhension. Oui. Au centre de lutte contre le cancer, oui. C'est des centres spécialisés qui traitent 10 à 30% des cancers sur le cancer. Et il y a d'autres unités de soins qui sont dans les CHU. Hein. Et c'est les unités spécialisées. Tout à fait. C'est celles qui sont le moins évidemment représentées en termes de soins. Et qui sont censées, en tout cas c'est dans leur charte, représenter les traitements d'excellence du cancer, puisqu'elles comprennent beaucoup de protocoles de soins et d'essais cliniques. La plupart des essais cliniques qui portant sur le cancer sont réalisés en centre de lutte, pour la grande majorité d'entre eux. Et les chimiothérapies, non pas CAD, mais IV, donc c'est intraveineuse. IV, intraveineuse, oui. Ce qu'on connaît, c'est-à-dire les gens vont le matin à l'hôpital le jour, ils ont leur chimiothérapie qui passe, et ils repartent faire chez eux. Voilà, juste pour. Tout à fait, merci pour ces précisions, effectivement. Importante. Donc au final, nous avons réalisé 50 premières interviews et finalement seulement 16 deuxièmes entretiens pour plusieurs raisons. La première est qu'un certain nombre de patients a refusé de nous voir une deuxième fois, en particulier quand ils ont vraiment, comme certains ont pu le dire, tout mis sur la table la première fois. Nous n'avons pas pu réaliser le deuxième entretien également parce qu'un certain nombre d'entre eux sont décédés entre le premier et le deuxième entretien que nous voulions faire. Certains n'ont pas été joignables, on n'a pas réussi à avoir d'informations. Alors probablement l'une ou l'autre des deux premières solutions, soit ils étaient décédés, soit ils ne voulaient pas nous répondre. Et donc on a sur les 50 patients donc qui ont été interrogés, on a une large représentation des cancers du sein, puisqu'on a presque la moitié de cancers du sein, pas mal de cancers du côlon et évidemment dans une moindre mesure prostate et poumons. Je dis évidemment, mais ce n'était pas évident du tout. On s'attendait évidemment à avoir moins de cancers de la prostate, puisque les patients qui sont atteints d'un cancer de la prostate sont assez rarement traités par des chimiothérapies intraveineuses. La plupart des patients atteints de cancer de la prostate sont traités uniquement par chirurgie, et c'est uniquement dans les stades tardifs et très souvent métastatiques qu'on est obligé d'utiliser des chimiothérapies intraveineuses. Donc ça a été un des premiers résultats, c'est qu'il y a une surreprésentation très importante dans le recrutement de patients atteints de cancer du sein et atteints du côlon, qui se retrouvent en fait dans la politique de soins des centres de lutte contre le cancer, qui mise énormément sur ces deux pathologies par rapport aux autres. En termes de catégories socioprofessionnelles, et ça a été le deuxième grand résultat de notre population en tout cas, c'est que les patients suivis en centre de lutte contre le cancer, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on le voit bien ici, sont de classe sociale plutôt moyenne, voire aisée. Et on a eu, alors que c'était un objectif de notre recherche, d'analyser aussi des patients en situation de précarité pour essayer de décortiquer un petit peu ce qui se passait dans cette phase initiale de traitement du cancer pour les patients en termes d'inégalité de soins, en termes d'inégalité de santé. Et finalement, on n'a pas tellement pu répondre à cette question puisque nous avons eu très peu de patients en situation de précarité. Et donc une surreprésentation vraiment importante de classes moyennes ou aisées. Alors on a 21 patients qui étaient retraités, ce qui n'est pas une surprise puisque la moyenne d'âge du cancer est entre 60 et 65 ans, donc on a eu de manière assez logique une moitié de patients encore en activité, une petite moitié en activité, une bonne moitié en activité, ouais, et une petite moitié retraitée. Parmi les retraités, on retrouve le même spectre social avec des patients issus de classes aisées. Alors, une des premières questions qu'on s'est posées, c'était en termes d'utilité, est-ce que le médecin généraliste est utile pour ses patients ? Alors, c'est un terme qui peut peut-être surprendre. En tout cas, la question que je me suis posée, c'est quel est le besoin pour les patients de voir leur médecin généraliste ? Et c'est en ces termes-là qu'on a réalisé l'analyse de ces entretiens. Et il se trouve... déjà que, ça c'est pas une surprise, tous les patients avaient déclaré un médecin traitant. Bon, alors ça ils sont obligés de le faire pour des raisons administratives pour lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et finalement on a seulement, c'est un jugement, je ne devrais pas, mais seulement 28 patients qui considèrent, c'est-à-dire une moitié d'entre eux, qui considèrent leur médecin généraliste comme utile. C'est-à-dire que quand on leur pose la question, ou quand ils ont parlé spontanément, ils considèrent que leur médecin généraliste avait été utile depuis le début du diagnostic. Et ce qui est, pour le coup, très surprenant dans ces résultats, c'est que tous les patients, sauf un, avaient pourtant utilisé le médecin généraliste depuis le diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a une... Alors, ça, c'est j'ai décoré ces diapositives avec quelques verbatims pour illustrer un petit peu. Alors, c'est cette patiente qui dit voilà, ce médecin traitant, il me suit depuis plusieurs années, donc je le connais bien. Mais c'est vrai que j'ai pas été malade. Hein, donc, alors ça, c'est une espèce de récurrence dans les entretiens. Les patients qui nous disent, patients traités en hôpital de jour par des chimiothérapies intraveineuses pour un cancer, qui nous disent, mais là, j'ai pas été malade. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et donc, on se pose la question, évidemment, pour ces patients, les 21 autres patients qui n'ont pas considéré leur médecin généraliste comme utile, mais qui pourtant l'ont vu, c'est ça qui nous a fait réaliser qu'il y a une part d'invisibilité, évidemment, dans le médecin généraliste, pour une bonne partie des patients, qui s'explique souvent par des relations de longue durée, où le médecin généraliste, finalement, alors, comme le dit cette patiente, elle le connaît bien. Voilà. Il y a une connaissance du généraliste de son patient et du patient pour son généraliste. Il y a une connaissance réciproque. Et finalement, on a l'impression que le médecin généraliste est un peu comme le boulanger du coin, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit souvent, fréquemment en tout cas, et qui fait un peu partie de la vie, mais qu'on ne voit pas, parce qu'il fait justement partie de cette intimité, de cette vie quotidienne, de cette routine peut-être même. Et donc on n'y pense pas, puisque, encore une fois, parmi ces 21 patients qui considéraient que le médecin généraliste ne leur avait pas été utile au sens, non, on ne l'a pas vu. Il l'avait finalement vu. Et c'est souvent d'ailleurs en creusant l'entretien que, alors même que le patient nous disait « Mais non, je le médecin généraliste, non, il ne l'a pas été utile, je ne l'ai pas vu. » Et puis finalement, quelques temps après, il nous dit « Bah si, là j'ai eu un effet secondaire d'une chimiothérapie. Bon, moi j'ai été voir mon généraliste, il m'a donné un truc, c'est passé vite. Voilà. » C'est quelque chose de tout à fait banal, normal, et qui n'a pas été réellement incorporé par le patient en fait. Alors pourquoi les patients ont consulté maintenant le médecin généraliste ? Déjà, il faut distinguer deux périodes qui sont essentielles pour comprendre le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du cancer. Il y a une période péridiagnostique et une période post-diagnostique. Et le rôle à ce moment-là du médecin généraliste est complètement différent dans ces deux périodes. Et ce qui est central dans la distinction de ces deux périodes, c'est qu'il y a un basculement très net de médecin référent entre le généraliste et l'oncologue à partir de l'annonce du diagnostic. Le médecin traitant, d'ailleurs, qui était il y a encore une quinzaine d'années appelé médecin référent avec les dispositions Kouchner à la fin des années 90, un dispositif qui a disparu en 2004 quand est apparu justement le médecin traitant, mais qui reprend énormément du dispositif de médecin référent, c'est-à-dire un médecin pour un patient avec un choix libre du patient de choisir son médecin et une volonté de coordination, on y reviendra encore tout à l'heure, de la part du médecin. Et donc, le diagnostic de cancer est un moment où il y a un basculement et le médecin généraliste s'efface au profit de l'oncologue. S'efface partiellement, on va le revoir. Donc dans cette phase péridiagnostique, ce qui domine, c'est les recours médicaux aux médecins généralistes et en particulier dans le diagnostic. De la moitié des patients, à peu près 45% des patients, le diagnostic avait été porté par le médecin généraliste ou le médecin généraliste avait été initiateur des examens permettant d'aboutir au diagnostic. Donc le médecin généraliste trouve une place tout à fait essentielle dans le diagnostic du cancer et dans l'adressage également au centre spécialisé, avec là pour le coup un effet de classe assez important, mais qui n'a pas été les résultats étaient pas suffisamment contrastés pour qu'on en tienne réellement compte. Mais l'impression qu'il y avait, c'était que les patients issus des classes aisées faisaient moins appel et faisaient plus appel à leur réseau personnel et spécialiste d'emblée plutôt qu'aux généralistes. Mais c'était pas si net. Les conseils, évidemment, étaient aussi fréquemment recherchés par les patients dans l'adressage, mais pas uniquement. Et évidemment, les motifs administratifs en termes d'arrêt de travail, principalement pour les patients qui étaient actifs. On voit l'absence par rapport à la phase suivante de recours psychologique. Et alors, on a une inversion dans la phase post-diagnostique avec ce qui domine extrêmement majoritairement les recours aux médecins généralistes, qui sont les recours administratifs. Les arrêts de travail, protocole de soins, c'est tous les papiers qui concernent les demandes de 100%. Donc la reconnaissance par l'assurance maladie d'une affection de longue durée qui va permettre l'exonération du ticket modérateur pour les consultations, les traitements ou les examens complémentaires comme les radios. Les bons de transport quand il y avait besoin. Et donc évidemment, c'est des motifs qui sont administratifs et qui du coup sont peut-être peu valorisés et peut-être même peu valorisants. qui venait surtout, c'était les motifs psychologiques. Beaucoup de soutien, beaucoup de réassurance, et beaucoup parmi les patients qui considéraient leur médecin généraliste comme utile, quelque chose qui revenait souvent. Et il y avait une connaissance du patient qui était mise en avant. On y reviendra un petit peu après. Et finalement, assez loin derrière, apparaissaient les motifs médicaux. De manière assez, assez paradoxale, ça a été, j'avoue, une surprise un peu pour moi. En particulier, la gestion des effets secondaires a été extrêmement peu discutée par les patients. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que j'en parlais en introduisant cette recherche. Il y a eu des progrès considérables dans le vécu de ces, et la tolérance surtout des traitements utilisés pour traiter le cancer. Donc très peu d'effets secondaires finalement, très peu. Toujours trop évidemment, mais beaucoup moins que ce qu'on a pu, que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a une prévention des effets secondaires qui se fait pendant les chimiothérapies qui porte visiblement ses fruits. La deuxième raison, c'est que la plupart des patients recourent majoritairement à l'oncologue ou au service d'oncologie pour répondre aux problèmes. Ou aussi, de manière un peu plus rare, au service d'urgence. Bon. Et finalement, assez peu au médecin traitant. Et même quand le médecin traitant intervient, très souvent, c'est sous la direction, enfin, sous les directives de l'oncologue. Certains patients disaient très bien, voilà, je suis allé voir mon médecin traitant, mais bon, alors il a pris la feuille, il m'a lu les consignes, en disant voilà, bah, il faut que je fasse ça, donc je vais vous prescrire ceci, et puis après il faudra que vous fassiez ça, donc on va se revoir. Voilà. Donc c'était finalement une prescription dirigée par le service d'oncologie. Et on avait quand même malgré tout, parmi les motifs médicaux, un rôle important dans la gestion des pathologies préexistantes. J'entends par là toutes les pathologies dont le patient souffrait avant le diagnostic de cancer. Ça pouvait être une hypertension artérielle, un asthme, un diabète ou autre. Et la plupart des patients continuaient à voir leur médecin traitant durant cette phase-là. Alors même que dans une autre recherche que j'avais menée sur des oncologues médicaux cette fois-ci, j'avais mis quand même au jour le fait que beaucoup d'oncologues médicaux renouvelaient le traitement de fond de leurs patients pour leur éviter justement d'aller voir leur médecin traitant. Donc alors c'est pas apparu de manière flagrante dans Corsac, mais c'est une information voilà, que j'avais eue par une autre recherche de l'autre côté du miroir, du côté des soignants. Alors au final, bon, évidemment, le médecin généraliste, en assurant des recours médicaux, sociaux, administratifs et psychologiques, s'inscrit vraiment dans une démarche de prise en charge globale. Et on en parlait ce matin, j'ai été vraiment très frappé par les infirmières pivots au Canada qui se sont très clairement approprié cette prise en charge globale. Vous parliez tout à l'heure d'une prise en charge globale en France qui n'était probablement pas réellement intégrée. Je lancerai cette réflexion en disant elle n'est pas suffisamment intégrée à l'hôpital. Et il me semble qu'elle est complètement intégrée, complètement, peut-être pas complètement encore, mais qu'elle est en tout cas elle se réalise en tout cas dans les soins de ville et en particulier par les soins en médecine générale, puisque il est possible qu'en une seule consultation un médecin généraliste ait à résoudre potentiellement tous ces problèmes là en une consultation, même si la plupart du temps, évidemment, ça se fait sur plusieurs. Alors ensuite, quand on regarde un petit peu ce que les patients recherchaient et auprès de leur médecin généraliste, c'était d'abord une proximité géographique. On va voir le médecin traitant, ce médecin traitant-là, parce qu'il est à côté de chez moi. Voilà. C'est en général le cas. Peu de patients font beaucoup de kilomètres pour aller voir leur médecin traitant. Voilà. D'autant plus quand ils sont traités pour un cancer, c'est-à-dire avec une fatigue souvent importante, en particulier dans les premiers mois du traitement. Et également parce que Il y a quelques patients également qui sollicitent leur médecin traitant pour des visites à domicile. Et on sait qu'il y a de plus en plus de difficultés pour les patients de trouver des médecins qui se déplacent. Et évidemment, plus la distance est longue et importante, plus moins les médecins se déplacent. Bon. Donc il y a une proximité géographique qui est importante. Mais plus que ça, il y a évidemment une proximité affective qui s'installe dans la durée, mais pas uniquement. On a vu quelques patients montrer vraiment des signes d'affection profonde envers leur médecin généraliste. J'étais assez surpris, alors même que les relations étaient finalement pas très anciennes, de quelques mois ou quelques mois. On a vu des patients parler de relations vraiment très importantes pour eux, alors même que les relations étaient de moins d'un an. Et on a eu aussi des patients parler de relations trentenaires avec leur médecin traitant. Là, on peut évidemment comprendre que s'ils ont gardé leur médecin généraliste depuis 30 ans, ils en étaient satisfaits. Une qualité de relation importante, d'écoute et évidemment de confiance. Et voilà, c'est un verbatim que je trouve très, très parlant et assez touchant, qui montre bien le alors pas ce basculement entre le généraliste et l'oncologue justement, mais ce rôle qu'a le généraliste que ne peut pas avoir l'oncologue, de la même façon que la réciproque est également vraie aussi. L'oncologue ne peut pas avoir ce lien avec son patient, et le généraliste ne peut pas avoir le lien en termes de compétences en particulier que le patient recherche pour l'oncologue. Effectivement, il y a toute la face cachée que le médecin connaît de son patient, qui joue énormément et qui pousse le patient évidemment à le solliciter pour les recours psychosociaux. Alors quand on s'est amusé à regarder, à croiser les résultats et à voir dans cette perception de l'utilité par le patient du médecin généraliste, est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en évidence? Et bien finalement, il n'y avait rien. Il n'y a rien qui est ressorti. Sur les 50 patients, donc sur à peu près la moitié, on avait voilà 28, 21, 22. Ni l'âge, ni le sexe, ni la classe sociale, ni l'activité professionnelle, ni le type de cancer bien évidemment. Et de manière peut-être plus curieuse, ni l'existence d'une pathologie chronique, c'est-à-dire une pathologie qui poussait le patient à voir son médecin traitant régulièrement, puisque la plupart des patients atteints d'une pathologie chronique voient leur médecin généraliste tous les 2 mois, 3 mois, 4 mois, en tout cas avec une régularité. Et ça ne présage pas du tout de ce que le patient va penser de son médecin généraliste et son implication dans le diagnostic également. Je m'attendais vraiment à trouver des patients pour lesquels, quand le médecin généraliste a été impliqué dans le diagnostic, et bien le patient considérait que son médecin généraliste était utile, et bien non. Même cette implication dans le diagnostic n'était pas associée à une perception positive du rôle du médecin généraliste. Je finis sur la face obscure du médecin généraliste et pourquoi le médecin généraliste était considéré comme inutile. Évidemment, il y avait une dimension d'incompétence relative. J'aurais peut-être même pu supprimer le terme relatif. C'est probablement parce que je suis moi-même généraliste que je me suis senti obligé de le mettre. Mais il y a effectivement une incompétence, d'ailleurs, que les médecins généralistes reconnaissent eux-mêmes. Plusieurs études ont bien montré que les médecins généralistes se considéraient comme pas du tout formés pour gérer les effets secondaires des traitements, les traitements eux-mêmes et d'autres caractéristiques de la prise en charge du cancer. Et malgré ça, d'ailleurs, les patients ne leur en veulent pas. Hein, ils continuent à le voir. Voilà, je continue à la voir. On a de bonnes relations. Voilà. Mais voilà, je ne le vois pas. En tout cas, je le considère comme inutile. Je ne sais pas que je ne le vois pas, je le considère comme non utile. Il y a aussi une volonté de ne pas mélanger les rôles, parce qu'évidemment, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Parfois, alors pour ça concernait 3 patients uniquement, une vraie crise de confiance envers le médecin généraliste. J'aime beaucoup ce verbatim, en médecin traitant c'est une réalité virtuelle. C'est ça, c'est-à-dire que il est là mais il n'existe pas. Il est sur un autre plan. Il est, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais c'est assez, assez intéressant. Mais ça concerne finalement très peu de patients, parce que moins de 5%. Voilà, finalement, pour conclure, cette étude conforte un peu le fait que le médecin généraliste est un acteur invisible du système de soins, en tout cas pour la moitié des patients, mais qu'il a une place qui est indiscutable dans la prise en charge du cancer, qui mériterait bien évidemment d'être précisée par les pouvoirs publics, puisque si on entend les pouvoirs publics, le médecin généraliste est au centre de tout, il est pivot, il est gatekeeper, il coordonne, il traite, il prévient, il fait tout, et au final... il ne fait probablement pas grand-chose au regard de ce que les patients peuvent en attendre, probablement. Et ce qui ressort vraiment, c'est que la qualité de la relation médecin-patient est le seul déterminant qui permet de savoir si le médecin généraliste est perçu comme utile. Qu'on pourrait résumer comme le médecin généraliste, finalement, c'est le médecin de la relation thérapeutique entre son patient et lui. Merci. Merci. Merci. Une petite pensée concernant quelques minutes qu'on a échangé.